إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شفرسه لبعثنا من الكرياشون بازار ربنا ما خلقت هذا باطلا اون رب تو بعثنا فيه سامن كرياشون كم سامن بناوين et un objectif derrière là. Objectif là, chers frères et sœurs, Alhamdoulilah, nous venons comme un rappel pour nous de surat Dariyat que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Mon père fin crée bandine et bandimoun excepté pour faire sur l'adoration. Que surat Dariyat, Allah subhanahu wa ta'ala fait amène sa rappel là. Les deux nouvelles de création insane, les prend depuis Adam alayhi salam, il y a les mêmes. Il y a les scacots ça seulement. Il y a les scacots ça. Chers frères et sœurs, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître qui les mêmes derniers prophètes qui nous viennent. Qui nous comprend pas le mot dernier. Après lui, pas qu'il n'y a aucun prophète. Ziz nous prend sa hadith qui fait nous comme ça quelque chose là, nous accuser, nous guetter, nous vous trouve qui? Oh Allah, après avoir quitté finalement la création, Tophine envoie environ 124 000 prophètes pour qui quand ça insan là, lui dévier, ça vient un rappel pour lui. T'envoie une personne pour rappeler lui. Mais quand fini, avoir dernier là, qui nous attend à faire? Qui nous attend pour arriver quand dernier là, il finit, vini? Chers frères et sœurs, quand nous guettons Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui Umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa même dernier Umma. Sa même dernier Umma. Sa même dernier peuple. Après, il n'y a pas pour une personne encore. S'il peut montrer nous qui peut citer le mot dernier, qui fait? Excepté, chers frères et sœurs, pour bizarre, il n'est la fin. S'il commençait pour Adam alayhi salam, il n'est pas pour aller comme ça. Pour viser une haine, une la fin vers cette chose-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, étant donné les mêmes derniers prophètes, ce Umma qui devant lui, étant donné qu'il c'est sa même dernier Umma, sa prophète-là, chers frères et sœurs, il n'est pas fin quitte aucune connaissance excepté financer nous. Parmi les connaissances que les films mettent claires, c'est les faits nous connaît, étant donné les mêmes derniers prophètes, connaissant le monde à finir à l'os. Connaissant le monde à finir. Blié qui va n'a pas arrangé pour le moment. Blié qui va innovation pina. Blié qui va technologie pina. Mais seulement moi, je connais qui mon prophète, quand il vini, et il peut dire moi, les mêmes derniers. En d'autres mots, dans ce bon message à dire, il peut montrer bon quelque chose qui, bon prophète, avant partir dans sa quantité là. Ce qui était, lui montrer nous bon si, fait nous connaître, ça les mona qui a fini devant toi. Chers frères et sœurs, quand nous guettons, bon rappel qui Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous, à l'exemple de Sourate Zumar, ayat 56 jusqu'à 58. Dans la Zumar, ayat 56 jusqu'à 58, Allah subhanahu wa ta'ala lui amène un rappel vers moi, insan. Pour lui dire, « Antaqoula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, wa in kuntu la minas sakhirin. » Ça dit, mouna vous dire, « Ya hasrata, un regret qui m'en fait, un regret dans l'isa. » Sa personne-là, ça joue-là, il peut s'agrin, il peut regretter. L'eau qui s'en a ce saut. li pe sagren lo li men. Li pe regrete li men, ki li fe fi jam billah. Ve diye comparaison de sa ki Allah subhanahu wa ta'ala fin o de moi. Ki mwen fe alos? Pare kouma sa insan la, demen kon so maman papa en kit dunya, le la ya si se li refleji, getan, kon papa ti la, et te kon moun bien fe, souvent dernier jour, te kon ipina kit sur contre moi. Tu comme bien guidé de ce bandin. Moi, il y a un regret dans moi, là. Ça, regret, là, cher frère, c'est, il est pour quelque temps, ça. Oui, il est pour quelque temps. Parce que quand mon rire rentre dans la vie tous les jours, excepté qu'il me trouve, m'oublier, ça, quelque chose, là. Mais ça, ayat, là, Allah, subhanahu wa ta'ala, peut faire nous qu'on regret qui s'a dit, mon pour y'en a, parce qu'il peut y'en a non qui peut venir devant lui, soit Jannah, soit l'enfer. Peine à n'en y qui vous vienne devant lui, excepté Jannah, excepté l'enfer. Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, peine à un jour, qui quand il cause, l'eau l'avenir du jour Qiyama, aime sous la voie montée. Il hausse sous la voie. Déjeune sous figuière vine rouge. Peine à un jour, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pe cause concernant jour qiyam, en, li osso la voix. Dejem, so figye vin rouge. Troisième, washted da rodobu, li vin den l'état de colère. Or, qu'est-ce qui li pe cause ça à l'époque-là? Sa prophète-là, à cette époque-là, chers frères et sœurs, li pe cause avec ban qui nous appelle ban sahaba. Avec ban sahaba, quand li cause l'eau sa figye-là, il hausse la voix. Avec Ban Sahaba, quand il cause ce sujet-là, sa prophète-là se figure vine rouge. Avec Ban Sahaba, quand il cause ce sujet-là, il rentre dans l'état colère. Et comme a rapporté, il dit qu'annahu nadhirun jaysh, il comme a dit un chef d'un l'armée. Comme a dit un chef d'un l'armée, quand il peut dire dresser, sa prophète-là qui cause du Qiyama, de sa façon-là qu'il cause sa chef. Quelle importance ça, ne pas dire ce sujet-là, mais seulement sa étape-là, ena, dans la vie, en celui qui n'a iman. Nous continuons, chers frères et sœurs, pour nous dire, quand nous guettons Allah subhanahu wa ta'ala, li amin, en de ban, pilier de iman, croyance dans ce jour-là. La mini pilier iman. Quand nous faisons dire pilier iman, en d'autres mots, sa dimoun-là, son iman repose l'eau-là. Sa personne-là, son iman repose l'eau-là. C'est quand, il vient nous connaître, hadith Jibril, alayhi salam, après avoir qu'il ait fait une pause question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour un tukmin, et tu es une croyance de Allah, de ce bon ange, de ce bon prophète, de ce bon livre, ensuite de dire, wabil yawm il akhir. Wabil yawm il akhir. Dans d'un jour. Mais ça joue là, ça joue là, c'est cause d'un jour là. Ça joue là, chers frères et sœurs, il n'est pas venu, excepté qu'il est précédé par un événement. Il est précédé. Mais dire pour un événement qui vient avant. Ça bon événement là, à faire, qui fait nous dire lui? Qui fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin djali? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans surah 6, surah Al-An'am, dans surah 6, surah Al-An'am, ayat 158, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabla. Et quand si Allah fait commence à venir devant eux, un celui qui partit à iman avant, si yamen iman après la sapa profite. Quand si Allah commence à venir trop clair devant lui, un celui qui participe à accepter ça au passé, quand ça vient devant lui, par quoi qu'il te faut accepter là, te faut amener l'iman, ça pour être accepté. Chers frères et sœurs, ça peut montrer nous qui au fait, croyance dans le jour Qiyama, c'est pas une petite chose qu'il faudrait m'obliger à trouver, mon esprit comprend. C'est parmi ben ça qu'il nous appelle Umur ul-Ghayb. Veux dire quelque chose, rien, mon lige pas qu'on trouve, mon lige, mon l'esprit pas peut comprendre, mais seulement moi accepter lui, parce qu'Allah finit à moi. Pas faudrait demain, moi, comment se trouve 11 devant moi. Là, moi, dire oui, existait sa créature-là. Pas faudrait demain, me trouve parmi Bansi, qui me trouve soleil, dans une autre place qui habitait l'éveil. À ce moment-là, qui personne n'a pour dire oui, mon connaisseur, vraiment pas, vous avez trop tort. Trop tort. Quand Pharaon, les fins trouvent la mer et renferme le lit. Lui dire, lui amène iman, lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, al-an, abdela. Qui fait? Parce que, oh Pharaon, quand la mer là, il nous vient, tu ne trouves non rien qui la met, il nous vient devant toi. Mais seulement quand la mer là peut fermer, tu peux trouver l'amour devant toi, l'os. Tu peux trouver l'amour devant toi. Abdela, toi-même, iman, excepté qu'il y a iman là, dans ce moment-là, cher frère. Dans ce moment-là, chère sœur, ça imana à aucun moment. Pas pour profiter de ça, pas pour profiter de sa personne-là. Chers frères et sœurs, quand nous guettons le sujet qui nous vous prend là, Inch'Allah, première petite chose qui nous pose nous la question, qui sont l'importance? Sur l'importance, ce qui donne beaucoup place dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala attache jour qiyama avec croyance dans Allah. Dans surat al-Baqarah. Ayat numéro 177, Allah subhanahu wa ta'ala dit « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » Albir, la piété. Albir veut dire sa degré haut dans ton taqwa. C'est pas que tu viens dans l'est, dans l'ouest. « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » Mais seulement albir, sa degré de l'obéissance là, c'est quand tu finis amène iman dans Allah, avec jour qiyama. C'est quand tu amènes iman de Allah avec jour qiyama. Pourtant, prends depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour venir jour qiyama, et n'a pas trois piliers qui sont au milieu. Et n'a pas trois piliers qui sont au milieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait cause avec nous, lui amène juste à des piliers-là. Albir, c'est pas quand tu viens toi dans l'est, dans l'ouest. Veux dire, tu peux sentir toi un kikan qui, oui, tu n'as iman. C'est pas comme ça, là. Albir sait, quand ça iman de Allah, quand ça iman de jour qiyama, tu ne rends que de l'équipe. Pareil comme ça même. Dans surah 65, surah Talaq, ayat numéro 10, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ذَلِكُمْ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et ça, c'est un rappel. Un rappel pour qui ça n'a? Pour de tout. Ça, c'est un rappel pour un celui qui croit de Allah et que je crie. Juste ça, bien encore. Juste ça, bien là. Dans tout mon pilier iman, Allah subhanahu wa ta'ala, amen. Juste ça, bien là. Oui, chers frères et sœurs, vous êtes capable de mettre tout le monde là. Quand vous mettez tout le monde, prends-le dans cet endroit-là, dans sa bastille-là, dans sa pays-là. Ou pour essayer, faire ce binlo une seule façon de faire. Ou pour essayer, faire de tout, faire une petite chose, comment vous pouvez rouler quand vous pouvez rouler dans eux. C'est plus difficile. Parce que ça, du monde, vous pouvez sa façon de faire, sa façon de penser, etc. Mais seulement, si prend croyance de jour qu'yama, implante ça dans sa canastère. Mettez-le dans nous, vive avec lui à terre. Acceptez ça, du monde-là. Mais le vous dites, arrête coquin. Mais le vous dites, arrête coquin. Mais seulement quand vous faites l'iconique, quand tu payes coquin, pour un jour, ça pourrait venir devant ton faction. Pour un jour, coûte que coûte. Nous disons bien, chers frères et sœurs, pour un jour, coûte que coûte, sa action qui te fait faire, te fait coquin là, excepté qu'il vous revienne, revienne devant toi. Quand tu as un celui qui est iman, dans ce jour-là, chers frères et sœurs, l'époux, amène-le de la balance. Oui, c'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire un musulman, un croyant, c'est quelque chose de drôle. Radiabani, Amri Mu'min, un croyant, c'est quelque chose de drôle. Qui fait ya Rasoulallah? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue et lui dit sa croyant-là, quand un malais est touché, il prend patience, il connaît la vraie. Pour récompenser. Quand un bienfait touche lui, il remercie Allah. Allah récompense pour sa remerciement. C'est un croyant. Quand un bonnet a tous les, Alhamdulillah, mon gars, Allah récompense les, parce qu'il donne dit Alhamdulillah. Quand un malais a tous les, il prend patience, car il dit, il récompense. Dans les deux situations, ça que ça gagnant là, ça croyant là. Pas ça dit mon nain, non, ça croyant là. Veillez au fond de lui, l'iconi et un jour qui appelle, jour client. Il vive avec lui. Veillez pour lui, l'iconi qui, depuis grand matin, il levé. Il n'y a aucune action qui n'a dans la vie. Non, il n'y a aucune action qui n'a dans la vie. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Si moi, j'ai un dans le jour qui est là, grand matin, comme on levé, dans mon permis, mon pantoufle, quand il lit. Si mon pied gauche, il est avant, mon tiers lit. Moi, je dis non, jamais le pied droit avant, les prophètes, je ne jamais le pied droit avant. Et ce que mon père a moi compte, mon fait que l'œuvre de Omi, ça écrit comme une bonne action pour moi. Qu'est-ce que tu vas là? Comment on trouve sa bonne action là? Ce n'est que jour qui aime, sa action apparaît devant moi. Tu te corrigerais que tu me fais la voix toi-même et tu viens m'amener comment les prophètes me font. Si mon père fait lever comme ça là, imagine-nous ce qu'a moi dormi. Peine une action qui nous fait, chers frères et sœurs, excepté pour arriver un jour quand ça filme là pour résoudre devant nous. C'est pour ça, quand nous guettons, Omar, Ibn Khattab, radiallahu anhu, get jour qui yama kouma fait l'effet le enjimoun. Omar, radiallahu anhu, lui dit, لو عثرت بقلة في العراق, si un animal tombé, veut dire glissé, un animal glissé dans l'Irak, quand il était là, il est dans Madina là. Omar, radiallahu anhu, dit, si un animal glissé dans l'Irak, لظننت أن الله سيسألني عنها لما لم تسؤه لها طريقا يا عمر. لديه si mo gagne nouvelle un animal in tombé dans l'Irak. Mo poupé est en changeur qu'yama Allah dit à moi. Oh Omar, qui fait de pas faciliter ces animaux-là l'une bien glissée. Dans l'Irak. Get la prière jour qu'yama kot amen changement dans la vie en dimon chèvre. Get pour une personne qui finit une croyance dans sa jour-là. Les dents Madina, ces animaux-là sont tombés dans l'Irak. Les gens sa prière là dans l'île. Attention, jour qu'yama, Allah subhanahu wa ta'ala dit à moi. Mais qui fait tout le monde passer les lits? Dans ce ça retourne au lit. Si sa distance, les gens sa traque là. Mais ben petite chose qui plie près au moi. Qui fait mon pas gagner sa traque là, l'os? Ban quelque chose qui plie près avec moi, dans mon travail, dans mon lacage, l'ossimi, dans mon famille, maman, avec cette traque-là, qui sont pas gagnés. Si on veut des animaux, on m'a rendu Allah, on va gagner cette traque-là, on veut des animaux. Les animaux là côté. Pas ça, ça, qui peut crier devant la faute, côté moi, yo, ça n'a pas crié de tous. Pas ça, ça, ça, ça. Un animaux dans l'Irak, quand ils vont troubler. Mais seulement sa croyance de jour qu'il fait connaître qui te pour une question le tout. Et là-dedans, attention, il y a une question de ces animaux-là. C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous. Oh, c'est lui qui a une croyance dans ce jour-là. Si mon père dit moi une croyance dans ce jour-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à moi, dans surah 3, surah Al-Imran, ayat numéro 29, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Jour, un seul jour ça. Nous disons bien un seul jour ça. Prends depuis soleil là, lève dans l'ouest. Et c'est Inch'Allah avec l'État qui vient avec nous. Prends depuis soleil là, lève dans l'ouest. Jusqu'à ce que Dimouna arrive, soit devant la porte de Jannah, soit depuis la porte de l'enfer. Tout ça la passe dans combien de jours? Un seul jour. Après, dans samedi, dimanche, non, il est là. Un seul jour, tout passé là. Chacun qui raconte dans un seul jour là. Prends depuis Adam alayhi salam, jusqu'à sa dernière kafir qui, Pémo, jour qui yama là, jusqu'à l'ici. Jusqu'à l'ici. Tout ça là, il passe dans combien de jours? Un seul jour. Elle comprend ça sur la comment vous êtes là. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat là, il fait dire à nous, Yawma tajid kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara. Jour que chaque naf, naf là c'est qui ça n'a l'os. Naf là c'est moi, j'ai. Naf là c'est cause de moi là. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire moi. Jour que je vous trouve, que les khayr, tout du bien qui m'ont fait, muhdara. Hadir. Hadir qui veut dire présent, pour présenter ça devant moi. Tout bonne action qu'il m'a faire, il faut mettre ça devant moi. Ça joue là, ça. Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire « وَمَا عَمِنَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا » Pas juste pour action là seulement. Pour amener ça qui est mauvais là aussi. Mais seulement ça dit « comment il y a ça mauvais là ?» Qui lui fait ?« تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا » Il souhaite qu'il y ait une longue distance entre ça péché là. Pourtant péché là, lui-même c'est bien, hein. Sa désobéissance-là, lui-même qui le fait. Sa péché-là, lui-même qui le fait sa personne-là. Mais seulement quand ça présentait, sa personne-là lui souhaitait qu'il fasse ça facilement avec moi. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala fait cause qui s'en a ce bonne action. Mon bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause qui s'en a ce péché. Mon péché. Qui fait mon copain ce tracard. Qui fait mon copain ce tracard. Ça veut dire qu'on ne va pas déjà même lui pas faire. Est-ce que ça pour venir avec moi là, pour venir avec moi? L'Ipan fait pas déjà le jour qui a mis sa tracala qui m'a pour gagner là? L'Ipan fait, est-ce que le jour qui a mis sa tracala qui m'a pour gagner là? Qui tracala qui m'a pour gagner? Vous pouvez gagner tracala, vous avez une bonne action et vous avez une bonne péché. C'est ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Chers frères, quand il débute dans son lat, vous allez finir cet advir. Allahu Akbar, comme on a habité les doigts de l'Istifta, Allahumma, subhanak Allahumma wa bihamdik, ça qui nous a habité les Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire les changer. Qui les lire? Les lire. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-marrib. Oh Allah, éloigne-moi avec mon bain de péché. Pareil, comment tu peux mettre distance entre les secrets. Ya Rasulallah, si toi tu veux dire une parole comme ça, Azodi, quatre distances, moi vous aimez mettre moi. Azodi, quatre distances, moi vous aimez mettre entre moi et mes mauvaises actions. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça qu'à tes paroles-là, cher frère. Qui a été vraiment dit pour une petite chose désavantagée, pour jouer contre moi, comme vos péchés en cours avec moi. Comme vos péchés peuvent présenter devant moi, comme vos péchés ne peuvent prendre sa distance-là avec moi. Quand nous guettons Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à nous dans surah 18, surah Kahf, ayat 49, quand il dit « Wa wudira al-kitab » Wudira, pour mettre sa livre là-là. Wa wudira al-kitab pour mettre sa livre là-là. « Fatar al-mujrimina mushfiqina mimma fi » Un mujrim, un celui qui reste dans la désobéissance à Allah, « mushfiqina » les pense qu'il y a un tracas. Qui n'a pas il commence à être à qui est dans la dent. Connais qui est dans la dent. Il dit à lui-même, Yahwa Yakuluna, Yahwa il a mal hadal kitab, la yuradiru sahiratan, wala kabiratan, illa ahsaha. Il dit ça, il dit, quand il livre ça. Puis il n'a aucune petite action. Puis il n'a aucune grande action, illa ahsaha, excepté l'ingardi là-dedans. Pécose ça, ce livre-là. Pécose mon livre. Pécose nos livres. Qui livre qui peut causer la paix d'écrire? Pécose un livre qui, comme on peut causer, comme on peut assiser, comme on peut écouter, ça en ça, ça qui peut écrire là, ce livre-là. Ça. Dans ce livre-là, qui écrit comme ça? Dans ce livre-là, là, il y aura dire sans rire, ou la cabine, il l'a assoira. Il n'a aucun petit, aucun grand, excepté qui? Il conserve de Hadith, il grandit de Hadith. Quand tu livres ça, l'os? Qui quand tu livres ça? Elle comprend mon livre comment était à l'os. Est-ce qu'il m'a gagné le temps à s'y réfléchir le mot propre livre? Ça joue là, ça livre là, comment vous étiez chez vous? Est-ce qu'il m'a coupé gagné tracas les autres livres, comment vous étiez? Quand vous l'avez gagné ça les temps là, moi? Ça livre là, prend depuis mon fin atteindre l'âge de la puberté, jusqu'à mon quitte du nien. Tout ça qui m'a fini faire là-dedans, tout ça qui m'a fini faire là-dedans. Ça, c'est livre ça. Quand vous étiez à l'os. Quand vous étiez avec réalité. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire à moi concernant ce livre-là. Chers frères et sœurs, nous disons bien, nous pouvons rentrer directement dans le sujet. Mais juste pour qui un celui qui est la croyance de jour qu'il m'aurait si comprend la façon qui Allah subhanahu wa ta'ala fait amine. La façon qui Allah subhanahu wa ta'ala fin amin, la compréhension pour un seul lui quand il peut lire pour un, comment Allah subhanahu wa ta'ala présente le jour qiyama devant lui. L'Abul Alamin n'est pas venu, il n'est pas venu, jour qiyama. Non! L'Abul Alamin lui amène dans une façon qui offre toi au insan pour viser un sens ban mot avec toi. Pour viser amène ban petite chose qui amène toi à réfléchir. Comme ça, il peut venir un petit peu plus facile parce qu'il finit donne toi l'intelligence. Réfléchis-le là. De sur le Hajj. De sur le Hajj, ayat numéro 5 à 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhanna, O Bandimoun, O Bandimoun, in kuntum fi raibi min minal ba'. Si, toko in a doute concernant ba'. Ba'. C'est quoi? Ça qui nous fait causer là. Quand on finit mot, on vient relever. Allah fait cause avec nous. O Bandimoun, si toko in a doute là-dedans, vous dites, tu vas pas trop comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mais c'est pas nous-mêmes qui nous créons depuis la terre. Ça, la terre-là nous fait deviner une goutte d'eau. Ça, goutte d'eau-là nous fait ça venir un caillou de sang. Ça, caillou de sang-là nous fait ça venir une goutte de la viande. » Ici qu'Allah peut faire nous connaître. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, lui fait cause jour qiyama. Tu ne vas pas trop comprendre jour qiyama là, c'est quoi? Mais retourne l'automène une femme. Qui t'a chété? Tu as une goutte d'eau. Il a une protec la terre. Il fait une goutte d'eau. Sa goutte d'eau termine un caillou de sang. Sa caillou de sang termine une goutte de la viande. En deux mots, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut montrer nous, chers frères et sœurs, lui peut montrer nous qui au fait, qui s'en a qui me crée toi à l'os. Parce que réfléchis là, ça qui me crée moi. Côte-moi sorti. Mais si mon père est ici, retourne. Pour mon con, mon création, c'est quoi? Mais, est-ce qu'il est difficile pour lui recréer moi l'os? Est-ce qu'il est difficile pour lui recréer moi? C'est ça qu'il dit à nous dans Surah Yassin. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à moi dans Surah Yassin quand il dit « Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa » Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'exemple. Il ne s'en avait oublié sa création, lui. On a fait à l'oublier. L'oublier sa création. Qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim. On a posé question, mais que ça n'a pas fait nous revivre. On te pose question, que ça n'a pas fait nous revivre. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, comment il répond lui. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Tu veux que ça n'a pas revivre? C'est lui qui nous crée toi la première fois là. Dites-moi, Allah subhanahu wa ta'ala, amène-nous à réfléchir. Le fait qu'il finit crée moi. Chers frères, est-ce qu'il m'a mal dit moi? 1960, mon parti existait moi. Ou bien nous qu'il est pour certains 1920, mon parti existait. L'année 1900, nous parti existait, mais quand moi tu étais à l'os? Quand moi tu étais? Mais si mon père à moi compte en 2050, en 2018, 2020, 2025, bon, pas pour là, moi. Mais écoute-moi, vous étiez à l'os. Écoute-moi, vous étiez. Ça n'a pas encore flash dans la tête. Tout qui chose, mon père, récit trouvé. Mais seulement, récit accepté qu'en an 2020, vous partiez, vous partiez jusqu'à là-bas. Là, la 2013, vous pouvez compter à fin 2013, même nous partir. Est-ce qu'il s'apparaît, c'est dans la tête qui me dit un quelqu'un qui est inexistant? Allah subhanahu wa ta'ala qui finit faire moi, réunis. Chers frères et sœurs, pour un celui qui n'a iman de parole Allah, pour un celui qui n'a iman de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de prendre sa Qur'an et de mettre devant lui. Il peut trouver qui peut n'a une base qui est passée dans le Qur'an, excepté qui fait cause de jour qiyama. Prends sa Qur'an et mettre devant nous. Et il y a 620 pages. Nous fait cause de ma courant 15 en ligne. Chers frères et sœurs, il y a une page. Excepté qu'il directement, il titre Jokiyama, ou indirectement, pour faire du monde, n'a pas vu Jannah, n'a pas vu l'enfer, tout passe de Coran et Nali. Est-ce qu'il m'a réussi à comprendre sur l'important? Attrape Coran est ouvert. Attrape Coran est ouvert, prends l'idée pour le côté droit de descendre. Mon poubizin parce que l'eau, un ayet qui peut faire moi rappel, ça joue. pour un celui qui est vivant. Il suffit de guider dans Sourat qui finit mettre obligatoire le mois pour me lire dans chaque raka. Comme une invocation, je veux dire, je vais demander à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Tout éloge pour Allah, Rabb de tout le monde. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ensuite, qui nous dit Malik Yawmiddin. Nous causons le monde, nous causons ce pitié. Ensuite, qui nous cause? Chers frères, nous pouvons reconnaître une petite chose là. Nous pouvons reconnaître qu'il y a un jour qui appelle Yawmiddin. Nous pouvons accepter. Je vais essayer de prononcer, combien de fois on va bien prononcer ça? 17 fois par jour, on va bien dire ça. Qui? Juste pour la boussane et dire comme ça? Ou bien faudrait qu'il, comme on peut dire ça, les bisous fassent un effet au moins ça. Et vraiment, il y a ce jour-là, alors. Vraiment, il y a ce jour-là. Comment on peut connaître, il y a un demain qui a fait le mardi? Comment on connaît, il y a un jour qui a fait ça, il y a un jour comme ça? Mais il y a un jour qui a fait le midi, il peut venir. C'est pour ça croyant, chers frères et sœurs, quand nous guide dans le Coran, seule quelque chose, le diable est créature, pas Allah. C'est une création qui finit et n'applique beaucoup non, ces jours priants. Prends depuis Alham jusqu'à Minel Jinnati Wanna. Quelque chose qui finit et n'applique beaucoup non, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui ça, mes chers frères? Ces jours priants. Allah subhanahu wa ta'ala il appelle par 80 noms. 80 noms. 80 mots finissent servi dans le Coran pour me comprendre qui s'ajoute là vraiment l'exister. Il pour venir. Est-ce qu'il me pensait Allah subhanahu wa ta'ala fait ça par hasard, chef? Il vient comme ça juste pour me prier de nous l'écrire. Ou bien c'est une petite chose qui n'a grande importance. Dites-nous-mêmes, nous, insane. Mon premier petit-enfant, à titre de l'acte de naissance, combien de noms il y a là-dedans? Vous connaissez ce que faire? Parce qu'il n'y a pas peine de donner un nom. Nanen donne un nom. Daden donne un nom. Tu lui mets un nom, on dit. Qui vous fait bien faire de tout plaisir? Parce qu'il premier, ça a l'importance, lui, non. Deuxième, troisième, lui, il dit j'aime, ok, mais. Même ça, c'est Mohammed, c'est. Mais seulement quand il s'agit des premiers-là, pour montrer qu'il est important. Et la différence entre lui avec ban les autres, l'autre qui vous met l'emphase. L'autre donne quelque chose, non. Qui veut me dire mon penchant, mon vieux, c'est l'autre. Ça, non. Mais seulement, on trouve ça là, donne un nom, l'autre là, donne un nom, tout nous là, enregistré le voulir. Ça, nous, insan. Quand nous voulons montrer qu'il il y a une importance pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, dans le Coran, il fait un appel jour qu'il par 80 noms différents. Juste pour qu'il commence à lire le Coran, moi je comprends qu'il s'ajoute là, il n'est pas pareil vraiment comme avant les autres jours. Quand il dit à nous 80 noms, chers frères et sœurs, chaque nom, prend depuis premier pour venir jusqu'à 80e, chacun a une particularité dans sa jour là. Next soupir. Jour Kiyama, il commence par soleil l'est, ne pas dire côté droit ou bien côté gauche, oui, malgré qu'ils nous habitent à dire ça, ne pas dire que c'est une faute. Parce que nous avons tendance, nous, position qui nous déboute, nous vous dire, quand tu fais un amas, tu mets soleil de droite, nous mets coucher le soleil dans gauche. Mais seulement il restait qui, si vous allez l'hémisphère nord, ça change. Si moi l'hémisphère nord, ici, la cause nous dans Maurice, c'est en bas qu'en bas. Mais si moi, le côté qu'en bas, là où est-ce que c'est? Excepté qu'il faut arriver. Si moi, dans l'est, si moi, dans l'ouest, ça change. Donc, quand nous dit aller directement, jour qui il commence par soleil libre dans l'ouest. Oui, cher. Et ça, après, pour moi, comprendre sur l'importance, mon retour de hadith qui trouve dans Sahih Bukhari. Qui rapportait pour Abu Zarr radiallahu anhu, juste pour moi le comprendre qu'il y a quelque chose qui m'obligeait de trouver pas nécessairement livré, il est capable d'être en contradiction avec mes croyances. Moi, Mola, en tant que me forme partie dans l'islam, Mola pour soumettre. Moi, je suis musulman, moi, je suis musulman, je vais bien me soumettre en ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin, dis à moi. Qui nous veut redire pour ça, chers frères et sœurs, hadith rapporté par Abu Dharr, radiallahu anhu, il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître. Quand le soleil a le coucher, il y a le faire sujda côté Allah. Vous venez avec moi, vous pouvez un Mac, vous pouvez un satellite, vous pouvez quoi devant moi, vous pouvez voir comme ça que c'est con, pense ça bien. En fait, le soleil par là, l'une glissée n'arrive le sud-à-fait pour le moment là. Et puis aller comme ça, mais le pour montrer moi ça. Moi, vous dire comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui tombe sur le Bukhari, rapporté par Abu Dharr, le nom de Allah, celui-là, il a fait que sujda côté Allah. C'est ça, nous croyons. Comment ça? Mais ça qui vient de nous. Vous connaissez les bibliothèques de sujda là? T'allais me parler de Oumina moi. T'allais me parler de Oumina moi. Qu'est-ce que ça soleil là? Il reste à sujda. Il dit, oh Allah, donne-moi PM mission pour lever demain. C'est de là qu'il va le comprendre dans Surah Ar-Rahman qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à moi, Ashamsu wal qamaru yasjudan. Soleil, la ligne, je fais ces verbes là au présent quand un verbe vient au présent, quand une fois dans 10 ans fait li, dans le passé il fait li, ou bien il fait prendre place tous les jours ça, tous les jours ça soleil a fait ces affaires là. Oh Allah donne-moi permission pour me relever. Quand vous êtes dans Sourah Al-Hajj, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à moi, « Walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi wa shams wal qamar. » Et pour Allah, tout banza qui est dans le ciel, la terre, on se dit, ça soleil là. Tous les jours, je vais faire ça pour Allah. Mais quand ça, quand il peut passer là, c'est quand on arrête de oublier là. L'IPFH, oh Allah, donne-moi permission de me lever demain. Allah subhanahu wa ta'ala, un moment, cher frère et sœur, j'ai dit oui, vous donnez-moi permission. Il retombe dans le sujda. Oh Allah, écoute-moi pour lever. Si, ça soleil qui m'a trouvé là, lui encore, lui même dans le doute demain, écoute-moi pour lever. Qui garantit mon adversaire? Parce qu'il y connaît qu'il y a un lot pour lui connaître comme ça lui vise à lever. À qui niveau ça soleil-là, il bouge par l'autre, Allah, l'autre, on de lui pour faire ça. À qui niveau alors? Demain pour lui lever, il demande permission. Oh Allah, écoute ça moi pour lever, oh Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous connaître. Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission pour lever et il lève en l'aise. Jusqu'à arrive sa jour. Qui dit à l'île dans l'ouest. Qui nous détruit pour ça, chers frères et sœurs, c'est le soleil qui nous va trouver là, il y a la croyance dans Jérusalem. Le soleil là. Parce qu'il y connaît, il y a un jour, il vous a fini l'ici. L'ici, il vous a fini. Quand on nous croit que le soleil là pour rester, il vous a fini l'ici, oui non. Subhanallah, la bête, ben les autres créatures. Comment je te soumets pour ça qu'il appelle Jérusalem? Ben les autres créatures, je te soumets, l'iconique quand vous dites lui, au soleil, lève dans l'ouest. Qui peut arriver lui? Il finit, cher frère. Il finit, l'iconique. La cause à tous les tout la soirée demander. Oh Allah, demain faire une chose, je vais demain. Oh Allah, dis-moi que vous me levez à faire. Parce qu'il s'ajoute que vous gagnez l'autre pour lever dans l'ouest là, excepté qui? C'est Jérusalem. Qui fait et dans sa banne non là? Parce que je m'en finis dire, il commence par son soleil là. Ensuite, il termine par soit du mounarab de Jannah, soit du mounarab de l'enfer. Entre Aster et n'a commis événement pour passer. Il n'a commis événement pour passer. Entre et n'a commis événement pour passer. Veut dire, nous prenons ça, l'échelle là. Quand nous guettons ça l'échelle là, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à moi, il est samaoum patarat. Fatara, regardez Fatara. Fatara veut dire désirer. Nous connaissons pas qui est désiré. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire moi quand ça lèche la peau pour déchirer. Oh, mais qui peut décrire comme ça, Alos? Lève la tête, guette ça lèche là. Est-ce qu'il me pense ça lèche là, déchirer? Pourtant, sa même robe, quand il fait cause avec moi, le ça lèche là de Surah Mulk, il dit à moi. Est-ce qu'il te trouve il y a une femme là-dedans? Pour réfléchir, il fait à moi, est-ce qu'il y en a qui fait lieu là-dedans? Mais seulement quand bizarre finit l'échelle là qu'il y fait. Il déchire l'échelle là, il donne. C'est les mots qui me servent. C'est les mots qui Rabbul Alamin qui me servent. Dans ce moment-là, que l'Alhamdulillah nous a connu. De là, nous peut trouver parmi ce banon, les vins de Oh Allah, tu appelles ça comme déchirement, oui, parce que c'est l'échelle qui te peut trouver là au insan, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour finir. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour faire les femmes, pas pour casser nous. Allah subhanahu wa ta'ala pour déchirer lui. Au déchirer, si toi tu peux déchirer, mais quand tu es vraiment tout bien fini à l'os. Quand tu es vraiment tout bien fini, ça l'échelle qui porte l'autre Allah, le début de la création qui appelle insan, il commence à exister. Mettre l'échelle, mettre la pierre en bas. Mettre l'échelle là-haut, mettre la pierre en bas. Ça l'échelle qui est dans le cause. C'est ce qu'on m'a dit là. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait un jeu. Il déchire, je dis bon. Chers frères et sœurs, connaissez que nous pouvons causer là. Nous pouvons causer le début de sa joue là. Pourquoi arrive dans l'escalier? Pas encore arrive dans rien. Ou alors, c'est juste début là comme ça. Mais plus des vents qui pourraient dans l'os. Plus des vents qui pourraient. C'est de là qu'il nous comprend. Ou alors, qui fait, est-ce qu'il y a une amine? 80 noms pour faire moi comme ça joue là, c'est qui joue vraiment? Il n'y a pas un jour pareil comme les autres jours, vraiment il n'y a pas pareil comment les autres jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans sur Rom ayat 56 laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th. Laqad labistum, certainement je ban insan je finirai fi kitabillah, dans le livre d'Allah, veut dire le nombre qui finit prescrit pour eux autres, il a yomil bar. Jusqu'à ce jour, qui peut arriver à l'bar. Al-bar, c'est quoi? C'est un premier jour qui est hein? Ou Allah, mais qui fait ici, tu finis dire, il a yomil bar. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il finit amène les mots bar, quand il fait cause avec sa insana, il peut faire lui réfléchir. L'eau, c'est combien de temps tu ne restes à l'os? Début de prendre naissance, tu te mords, tu te rentres dans la terre, ensuite jusqu'à ton visage, relevé. Al-Bakh, c'est quoi à faire? Al-Bakh, tu es pressé, prends-y bien. Je dis nous là, nous connaissons nous maman, nous papa, alhamdulillah. Il n'a qu'à pas venir côtoyer maman, papa, il n'a qu'à pas venir côtoyer les autres. Mais seulement nous connaissons, nous tiennons la main, papa. Nous, nana, nani, nous, dada, dadi, nous, ban grandi, nous, nous, nous, là. Mais seulement, sa nana nani qui nous peut guetter 60 ans à monter là, lui aussi il tient une maman papa. Lui aussi il tient une maman papa. Lui aussi il tient une nana nani de ce défaut. Quand où qu'il est comme ça. Vous connaissez qu'il se trouve déjà haut, mais ben non, non. Quand où qu'il est même. Quelle génération peut arriver là? Vous connaissez qu'il est pour qu'il y ait une voile causée là? Quand nous peut dire il y a un mot al-bas veut dire résurrection. Ça va dire monde qui nous peut dire là, tout relever là. Ça dit monde qui mort, prend depuis 600 ans de cela, 500 ans de cela. Ça dit monde qui fin mort, l'année 1700, l'année 1600, c'est pas de la guerre, c'est pas quoi. Ça dit monde qui fin mort, dans ça l'époque là, chers frères et sœurs, ça joue là d'ici de relever. Quand nous peut lire un livre d'histoire, viens-nous comme ça, tel scientifique une découverte telle quelque chose, tel dimon une découverte tel pays, ça. J'essaie de relever là. Quand nous peut nous le salatier là, fin et là, ben bon dimon. Prends des fruits, ben sahaba, ou bien ben les autres prophètes qui fin viennent le terre, les autres ben compagnons. Tout ça l'a relevé là. Tout, sans exception. En d'autres mots, prendre depuis Adam alayhi salam pour venir jusqu'à sa dernière dimoun qui peut exister là où la pierre là. Qu'il y soit un croyant ou bien un non-croyant, chers frères et sœurs, je tout relève comme nous étions aujourd'hui. Vous connaissez qui est événement ça? Est-ce qu'il m'opère ici, comprend qui est événement ça? Parce qu'il m'a une carte dimoun, Moïse, l'envergure, elle quitte chose pour rassemblement qui est là. Ça me trouve d'accord là. Basant la quantité d'immunes qui tient là, nous vous demandez, mais qui est là-bas? Basant là. Quand vous sortez, moi, allez, allez, vous trouvez des immunes qui causent votre colonne. Vous passez aux autres droits. Mais sa même colonne, si tient à 10 immunes, vous ralentissez ou non? Sa même colonne, si tient à 10 immunes avec bonnet. Sa même colonne, si me trouve tel, basant la situation, halat sa dimoun là, le nom du monde, qui est aussi là, vient d'un mais qui n'arrivait là. Il en a tué du monde ça. Ici, vous connaissez, pas des du monde, pas trois du monde, mais de nos chiffres là. Mais seulement chiffre là, il n'est pas venu de ça qu'il nous a habitué à écrire. Les vins là ou en quantité. Ou prend depuis Adam alayhi salam pour venir jusqu'à sa dernière dimoun qui pour prendre naissance, Zéidila. Pas ça Zéidila. Zéidila avait écrit un mal là. Vinskali. Vous êtes tout pour élever ce jour-là. Mais quand c'est le point important ce jour-là, boss. Chaque nom qui monte partie de l'histoire, qu'il y soit bon ou bien mauvais, chers frères et sœurs, d'élever ce jour-là. Mais quand c'est du monde pour Ena, quand c'est du monde pour Ena, quand il y a du monde, jamais m'en trouver là-dedans. Et il y a du monde pour présent devant moi, jamais m'en trouver dans la vie, dans mon existence, jamais m'en attendre qui, ça a du monde existé. Mais ça du monde a le fait qu'il est faux parti dans une salle, une ville où l'a fait Allah, chef de recette, il va arriver. Il voulait faire. Dès que moi, si je me réfléchis, mais qui m'aurait représenté de sa quantité du monde qui Allah finit en voyant l'eau là, c'est là. Qui m'aurait représenté à l'os? M'a coupé quoi moi une grande chose? Est-ce qu'il m'a coupé quoi moi une grande chose? Quand moi, si je me réfléchis, mais ça joue là, quand tout ça dit mon âme pour lever mon là dans moi, quand moi était là? Qui m'a été ça qui connaît moi là? Et il y a juste des petites choses qui pourraient connaître moi. Juste mon bonne action avec moi. Mauvaise action, c'est même tout. C'est même tout. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait dire à moi, Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. À la fin surah Abasa, jour que maman, papa, enfants, compagnons, veut dire Michel, madame, tout pour sauver avec toi. Veut dire pour qui ça, ma chère frère? Pour résister moi tout seul. Pour résister moi tout seul. Je suis dans une place qui ne m'a pas fait connaître personne. Et là, ce moment, papa, je sauve en moi. Je suis dans une place qui ne m'a pas connu personne. Mes enfants, je vais sauver avec moi. Je suis dans une place qui ne m'a pas connu personne. Mon monsieur ou bien mon madame, je vais sauver avec moi. Je vais dire, je ne vais pas connaître moi. Qui m'a fait alors? Est-ce qu'il m'a vérifié qu'on prend qui appelle bien mon bar? C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire nous. لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث certainement nous fin reste la terre dans le livre Allah veut dire ça qui Allah fin prescrire jusqu'à arrive ce jour là une de bonne façon qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fin amin le nom de ce jour là et pareil comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala qui termine pour aujourd'hui chers frères et sœurs dans sourate ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hada ma tu'adouna liyawmil hisab »« Hada sa ma tu'adouna »« Sa qui fin promesse liyawmil hisab » C'est un jour qui est malin. Mais seulement ici, pour appeler pour un autre nom. Pour qui nous qui appelle Yom pareil, al-hisab. Hisab qui veut dire. Hisab, si nous prenons littéralement, il veut dire compter. Hisab, si nous prenons littéralement, il veut dire compter. Mais seulement, chers frères et sœurs, l'ibon nous connaît, siradad aussi, en arabe, veut dire compter. Fadkurullaha fi ayyami ma'doudat. De surat 2, surat al-Baqarah. Mazin Allah de ban nom, compter. Veut dire ban jour de mina. Radad aussi veut dire compter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala jamais définit appel jour qiyama par yomul mardoud. Adad, le chiffre. Mawroud, ça qui fait une promesse. Mais le chiffre, adad, non. Définit appel li yomul hisab. Hisab. Qui veut dire hisab? Hasab yuhsabu veut dire compter. Mais seulement, on connaît qui différence et n'a pas compté. En là, me compte le chiffre. Un dimoun, deux dimoun, trois. Ban qui gros devant moi, paraît devant moi. Mais hisab nous servit pour nous compter. Nous prenons comme exemple pour me compte la graine du sable. Ça nous servit hisab avec lui. Comprends bien la différence qui vient là, chers frères. Demande Allah subhanahu wa ta'ala d'aura vraiment pour faire nous récit comprendre. Ça qu'il était fait, nous connaît pas ce jour-là, à travers souvent de paroles, ou bien paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute ça nous a fait l'effet de mon avis. Chers frères et sœurs, Hisab, c'est ça mot qui nous servit pour nous compter la graine du sable. ça va être quelque chose qui nous va trouver là. Service ça pour compte ça. Est-ce que nous pas compte ça nous? Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi les compter oui non. Ça aussi les compter je fais. Si la moindre détail il peut compter, mais ça va une gros action qui m'a fait là. Est-ce qu'il a d'envie de ça? Est-ce qu'il a d'envie? Qu'il y soit bon action ou bien mauvaise action. Qu'il y soit qui qu'un ne trouve moi, personne ne trouve moi. Qu'il y soit dans n'importe quelle situation, chers frères et sœurs, est-ce qu'il comme on fait ça? Si on comprend parmi ben nos jours qu'il c'est al-hisab, yom il-hisab. Comment se fait-il qu'il m'aurait dit qu'on prend mon compte ça non là, ça n'a pas fait un effet le moins qui au fait, le fait qu'il a fait le hisab, en deux mots, la moindre détail pas pour s'appeler ça jour là. Mais sa gros action qu'il m'a fait là. Est-ce qu'il est pour s'appeler? Est-ce qu'il est pour s'appeler? Chers frères et sœurs, c'est ça. Nous dire bien, c'est ça. Comme l'exemple, pour nous connaître que Allah subhanahu wa ta'ala fin appel jour qiyama pour 80 noms. C'est pas un hasard. Chaque nom est là sur l'effet de sa personne qui est là, iman. Inch'Allah, l'autre semaine, nous pouvons continuer encore avec ban nom là, à travers ban nom là même. Nous pouvons gagner ban événement qui vous passer là-dedans, sans qu'il nous rentre dans le détail, parce que ça, il pourrait avec nous, plier devant, et ensuite, sans aucun doute, nous pouvons commencer l'eau, jour qui est mal à lui-même, en deux mots, concernant connaissance là, qu'on s'allait trouver, pour nous comprendre que sa connaissance-là, il trouve juste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, dans la semaine qui suit, nous prenons signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous connaître qui s'ajoute là, lui bien près. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmarin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.